Allez, bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Radio Ondaine, les antennes de Radio Dio pour le lancement de la 20e édition de Tatou Juste, le rendez-vous de la transition écologique. Alors ça fait de nombreuses années maintenant que l'on se retrouve dans ce week-end du mois de novembre pour proposer deux jours d'interview, de table ronde partagée sur les antennes donc de Radio Dio et de Radio Ondaine. Bonjour Lionel. Eh bien bonjour. Ravi de te retrouver. Bonjour Nicolas, bonjour Tatou Juste et Raphaël qui est avec nous aussi. Bonjour Raphaël. Bonjour Nicolas, bonjour Raphaël. Bonjour Lionel. Bienvenue sur les ondes de Dio et d'Ondaine. Alors à nouveau c'est reparti hein, pour une aventure 2025, cette édition un peu particulière et spéciale puisque c'est une édition anniversaire. C'est tout à fait On le rappelle, ce sont les 20 ans de Tatou Juste. On en parle depuis un moment sur nos antennes hein, puisque il y a eu cet avant-salon, il y aura même un peu d'après-salon. Absolument. Pour cet événement particulier et ces deux décennies passées d'aventure écologiste, je dirais presque, mais pas que. En tout cas, c'est une édition un peu spéciale et vous avez donc lancé les festivités un peu en amont depuis cette rentrée, hein, je dirais, et avec quelques événements justement un peu marquants et un peu anniversaires. Oui, depuis le mois de septembre, on organise des soirées. Alors une soirée de lancement, par exemple dans une brasserie. On a également organisé un grand film débat, un spectacle à la Comète et également une grande conférence avec Rob Hawkins cette semaine. Et oui, voilà, ce sont les 3-4 temps hein, qui ont marqué cette rentrée. Tu en parlerais de brasserie, en effet. Alors, déjà, on va rentrer dans le vif du sujet puisque nous allons parler tout à l'heure, justement, de ce modèle aussi de brasserie locale. Ce sera la première conférence à 11h. On va en reparler. C'était l'occasion de lancer tout cela début octobre. En effet, il y a eu cette rencontre avec Vincent Verzat et le film Le oui. Vivant qui se défend, qui a fait quand même une salle pleine Absolument. Au cinéma Méliès Saint-François. Toujours un bel événement. Et on rappelle d'ailleurs que le film de Vincent est en ligne depuis le 6 novembre dernier sur leur plateforme ou sur sa plateforme Partager, c'est sympa. Et puis il y a eu ce spectacle à la fin, Le Colibri il meurt. C'était pendant les vacances de la Toussaint. Absolument. Une représentation à la Comète. Oui, avec la compagnie La Tranchante et puis une collaboration avec la MJC des Tilleuls. Et oui, et qui a donné lieu d'ailleurs à un podcast radiophonique qui a été diffusé sur les ondes de Radio Dio semaine dernière, qu'on va à nouveau proposer cet après-midi aujourd'hui, en diffusion, en recevant ici la compagnie La Tranchante pour discuter. Et puis on va y revenir aussi d'ici un instant, parce qu'il y a eu cet événement, c'était cette semaine, toujours au Méliès Saint-François, avec la venue de Rob Hawkins. Oui. On va en reparler puisqu'on va d'ailleurs l'écouter d'ici un instant. Voilà, effectivement, alors on va écouter ça d'ici un instant. Donc du coup, Raphaël, la préparation, le salon est ouvert. Hein. Donc déjà pour les auditeurs qui nous écoutent et qui arrivent ici, on peut rentrer facilement, on peut profiter de tous ces espaces proposés avec ces exposants qui sont ici. Il y a des animations aussi tout au long de la journée hein, pour ces 20 ans. Oui, vous retrouverez dans notre programme qui est disponible toutes les animations. Il y a au total 110 animations qui sont proposées. Alors, c'est des conférences, des tables rondes, mais aussi des ateliers pratiques, des discussions autour de thématiques bien précises et des expositions. On a également une tombola cette année pour nos 20 ans et également un grand gâteau aujourd'hui, cet après-midi. Bah oui, il faut un gâteau pour fêter cet anniversaire-là. Alors, qu'on rappelle, hein, c'est une grosse organisation, oui. De très nombreux bénévoles, de très nombreuses personnes ici. Grosse organisation, mais quand on arrive, qu'on est visiteur, finalement, c'est assez simple, on s'y retrouve facilement. On ne voit pas tout ça, heureusement, fort heureusement. Oui, oui. Oui, nous, on est là depuis déjà quelques jours pour tout installer. On a une cinquantaine, presque 60 cette année, bénévoles qui vont se relayer tout le week-end et qui nous ont aidés au montage du salon. On fait tout nous-mêmes, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à préparer. Bon, beaucoup de choses à préparer. Tu es sur le pont hein, tout au long du week-end, oui. avec tous les bénévoles. Mm-hmm. Nous, on va en profiter avec Lionel là, pour ce temps d'antenne de présenter notre programme. Lionel, on enchaîne entre interview, entre table ronde tout au long de la journée. C'est un peu le principe de cet espace radio. Oui, c'est un petit peu le principe depuis déjà quelques années maintenant. Alors, oui. On n'a pas calculé, nous, le nombre d'années, mais je pense que c'est tout de même un partenariat historique parce que je me souviens avoir suivi les premières éditions à l'époque sur le Forêt Saint-Just-Saint-Rambert. Oui. Et sur site et sur place aujourd'hui avec cet espace radio, ça doit bien faire... Eh bien, nous, déjà, ça fait 15 ans qu'on n'a pas d'exposition. Déjà, donc, voilà. Minimum. et donc, la règle du jeu, en effet, est ici de proposer des rendez-vous radiophoniques sous forme... alors, on a un peu changé aussi les modèles et les façons de faire. faire. Mais sur le modèle existant aujourd'hui, c'est d'alterner entre à la fois alors, les conférences aussi que vous avez mis en place sur Tatou Juste, qui répondent toujours à des actualités et sorties littéraires. Tout à fait, on s'inspire beaucoup de l'actualité, de ce qui s'est passé dans l'année. Oui. Et oui, voilà, donc vous faites petite sélection, ce qui va être le cas à nouveau cette année, avec cinq conférences qui vont être proposées dans l'espace conférence ici du Parc Expo. Et la règle du jeu fait que ou veut que ces conférenciers et conférencières passent ici avant leur passage en conférence, en petit temps de rencontre, de interview, voilà, sur les plateaux, sur le plateau radio. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième est d'organiser ensemble, nous convenons aussi de thématiques pour des rencontres, discussions, tables rondes, finalement. Hein. On essaie chaque année de trouver des thématiques aussi qui parlent au niveau local, vraiment de faire intervenir des acteurs locaux, des exposants également, sur des thématiques qui sont d'actualité également, mais sur des temps plus simples d'échange autour d'une table ronde. Voilà, donc on a proposé 6 tables rondes sur l'ensemble de ce week-end. Et donc ça va être alternance comme ça de ces différents temps radio. Nous sommes en direct en tout cas sur les ondes de Dio et d'Ondaine, 90.9, 89.5, les deux jours de l'ouverture, 10h là, depuis donc quelques minutes jusqu'à 19h ce soir. Et c'est demain, ce sera 10-18h, horaire d'ouverture également de Tatou Juste. Absolument, on vous attend nombreux et nombreuses ce week-end pour fêter les 20 ans. Voilà, et puis pour nos auditeurs, à chaque fois qu'ils vont entendre ce petit générique là qu'on a en fond sonore, ça indiquera que c'est finalement le début d'une nouvelle discussion. On peut annoncer déjà la première table ronde, hein, c'est à 11h. Environnement, justice sociale, résilience, co-construire de nouveaux modèles agricoles. Ce sera donc à 11h que l'on entamera cette discussion. En tout cas, merci Raphaël d'être venu pour ce lancement de Tatou Juste ici sur nos antennes de Radio Ondaine et de Radio Dio. Et puis on va écouter un petit extrait de la conférence de Rob Hopkins. Ouais, alors justement, on présentait quand même et lançait cet extrait là, puisque j'ai pu, grâce aussi à l'équipe de Tatou Juste et du cinéma Méliès, récupérer l'enregistrement de cette intervention de Rob Hopkins. Alors j'ai même ramené mon petit manuel, tu vois, que moi-même j'avais acquis il y a, je sais plus, 2009-2010, le manuel de transition. Hein, c'est, en fait, ça a été moi mon entrée, la découverte aussi dans ces enjeux liés à la transition écologique, de la dépendance au pétrole à la résilience locale. Cet ouvrage était paru via notamment les éditions aussi et la revue Silence, qui sont présentes ici. Rob Hopkins, c'est quand même une haute figure, on va dire, à la fois de recherche autour alors de la permaculture, parce que c'est un peu sa spécialité. Il a été connu, tout à fait, pour ça, mais il s'est vraiment spécialisé sur les villes en transition, écrivant plusieurs ouvrages, en apparaissant aussi dans le film Demain de Cyril Dion. Ouais, qui était sorti il y a 10 ans, lui, ce film. Voilà, tout à fait. Ça date déjà un petit peu, mais surtout, il est fondateur de ce mouvement de villes en transition. Il est anglais. Oui. Sa ville aussi, justement, de modèle, c'est Totnes. En Angleterre. Comment vous avez pu... parce que ça a été un peu la venue surprise. Ça a été la venue surprise. Oui, pour nous, ça a été une très belle surprise. Ça faisait déjà quelques années qu'on voulait l'avoir avec nous sur Saint-Etienne. Il n'est pas évident à capter. Mais voilà, parce que nous avons des partenariats. On connaît très bien certaines maisons d'édition. C'est notre travail d'organiser ce type de manifestation. Donc on a eu l'opportunité. Une date s'est annulée. Il a pu venir sur Saint-Etienne. Et nous, on s'est démenés pendant 3 semaines pour pouvoir l'accueillir et organiser cette conférence. Alors, il y a eu 2 temps de rencontre. Hein. Un temps, ce qui était plutôt bienvenu, je trouve, c'est d'avoir aussi associé les entreprises, les professionnels, autour aussi de l'économie locale, sur ces enjeux. Son intervention s'est déroulée en 2 temps. L'après-midi, effectivement, c'était un temps dédié aux professionnels, aux acteurs économiques du bassin stéphanois, pour pouvoir parler justement transition, mais en entreprise, vraiment au niveau économique. C'est très important parce que c'est aussi à ce niveau-là que ça va, que le mouvement doit partir. Davantage de temps de formation. Quoi, finalement. Tout à fait. Et après, donc, on a eu la grande conférence ouverte au public à 20h. Et là, c'était destiné à tout le monde. Et comment pouvoir avancer chacun dans la transition. Eh ben, en tout cas, c'était une chouette proposition. Merci. Bravo à vous. Et on espère que Rob Hopkins pourra même être de retour sur Saint-Étienne. Il est donc sur quelques dates françaises. Hein, je crois qu'il y a Marseille. C'est tout. Et après, il remonte. Il y avait Marseille et Saint-Étienne. Donc, on va écouter Rob Hopkins, qui a sorti cet ouvrage, comme je le disais. Alors, c'est assez drôle parce qu'il avait un scénario ville 2030. C'est-à-dire qu'à l'époque, quoi, je veux dire, après trois décennies, justement, vous, vous avez fêté les deux décennies. Tout à fait. On ne parlait pas d'écologie il y a 20 ans, hein, t'as tout juste comme on en parle encore aujourd'hui, les enjeux n'étaient pas les mêmes. Ceci dit, c'est chose importante. Alors lui partait d'un scénario un peu catastrophe, c'était assez rigolo, plus de nourriture, plus d'ordinateurs, plus d'avions, plus de voitures, enfin un scénario catastrophe, pas très parano quoi, finalement, mais qui en fait laissait augurer un avenir proche qu'on devrait, ou qu'on peut-être va affronter tôt ou tard. Tout à fait. Et donc, eh ben, il proposait peut-être des solutions, de prendre des initiatives et donc d'enclencher cette transition écologique, énergétique. Et c'est ce que propose ce manuel de transition. Et c'est ce qu'il proposait également au travers de son intervention, Raphaël. Tout à fait. Son intervention était vraiment, il faut arriver à rêver, à se projeter dans l'avenir. Et pour rêver du meilleur et mettre en place vraiment ce qui nous tient à cœur. Et c'est comme ça qu'on avancera. Et il a un discours très, très positif. Ouais. Alors justement, le rêve, l'imaginaire, il entamait son intervention de cette façon-là. J'ai forcément sélectionné qu'une petite partie. On va le proposer ultérieurement sur nos ondes en version intégrale. Il y a une traduction qui est prévue, hein, il y a un interprète, vous l'entendrez. On a prévu une petite dizaine de minutes ici pour lancer aussi, parce que c'était quand même la belle bougie sur le gâteau, que la venue de ce Rob Hopkins ici à Saint-Etienne. Donc on va ouvrir avec cette rencontre d'avant-hier, hein, finalement. Et puis Raphaël, bon week-end. On va se retrouver sur les ondes, hein, parce qu'il y a un petit temps prévu aussi demain pour parler aussi de ces 20 ans de Tatoujiste. Et on vous attend nombreux sur le salon Tatoujiste tout le week-end pour les 20 ans. Allez, très bien. Merci à vous. Merci. Merci. Bon salon, on le rappelle, ça se passe ici, Parc Expo à Saint-Etienne. Allez, on écoute Rob Hopkins donc lors de son intervention publique, conférence qu'il donnait jeudi soir, Méliès Saint-François à Saint-Etienne. Good evening, everybody. It's so beautiful to see you all here. I'm very touched. Thank you. Très chouette. Je suis très touché de vous voir toutes et tous ici. So I want to talk to you this evening partly about why imagination is so important in our lives right now. Donc moi je vais vous entretenir de plusieurs sujets ce soir. Tout d'abord je vais vous expliquer, je l'espère, pourquoi l'imagination doit jouer un rôle si important dans notre vie aujourd'hui. So in 2011, a researcher called Kyung-hee Kim at a university in America published a paper called The Creativity Crisis. En 2011, une chercheuse aux États-Unis, Kim, a publié un article intitulé La crise de la créativité. She looked at something called the Torrance test for creative thinking, the best creativity test in the world, and data that went back to the 1950s of people doing that test. Elle s'est penchée sur des données sur la réflexion en matière de créativité, elle s'est penchée sur les données d'un test qui remonte aux années 50. And her conclusion was that imagination and IQ rose together until the mid-1990s. Sa conclusion, c'est qu'on voyait une corrélation, du moins une croissance parallèle de l'imagination et du QI des êtres humains jusque dans les années 90. And then IQ kept rising and imagination started to decline. Et on a assisté à une augmentation du QI, notamment chez certains, mais pas tous, et malheureusement une baisse de l'imagination assez généralisée. And has been declining ever since, and she saw the same pattern in 30 other countries too. Et ce phénomène, elle y a assisté dans de nombreux autres pays, plusieurs dizaines d'autres pays aussi, et ça continue. And when this was published, it made the front page of Newsweek magazine. Cet article a été publié, il a fait la une de l'hebdomadaire Newsweek. People said, oh, what does this mean for economic growth? Et les gens sont alarmés. Qu'est-ce que ça signifie pour la croissance économique, la croissance du PIB? What does this mean for Hollywood? Qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de Hollywood? But I never heard anybody in the climate change movement say, what does this mean for us? Mais j'ai jamais entendu quelques propos que ce soit à propos du changement climatique et les incidences. Merci, Léna. Et les incidences que ça pourrait avoir sur ce qu'il y a à faire face au changement climatique. Because I think climate change is a failure of the imagination. Parce que moi, je pense, et c'est une phrase célèbre de Rob Hopkins, je pense que le changement climatique, c'est un échec de l'imagination. We run the risk that the headstone of our civilization says, sorry, we couldn't think of anything else. Et nous courons un risque important, c'est que sur nos tombes, il y a un épitaphe qui dise, désolé, on n'a pas su s'y prendre, on n'a pas pu faire mieux. I think we're better than that. I hope we're better than that. Mais j'espère que toutes et tous ici, nous savons qu'on vaut mieux que ça, qu'on sait quoi faire face à une situation alarmante. So the context of this talk is the climate emergency. Well, we are in a climate emergency right now. Alors, pour contextualiser, nous sommes dans une urgence climatique. Which is complex but not complicated. C'est un phénomène complexe, mais pas si compliqué que ça. This is an organization who make it very simple to understand. Il y a une organisation qui s'attache à rendre les choses simples à comprendre. They say, number one, it's warming. D'abord, il y a un réchauffement. We can all see that, right? On y assiste tous, pour un peu qu'on, pour un peu qu'on s'appelle pas Donald Trump. It was 49... It was... He's a very naughty interpreter. Oui, très mauvais interprète. Je l'interprète. It was 49 degrees in Pakistan the other week. Bon, That's hideous. La semaine dernière, la température a atteint 49 degrés au Pakistan. But number two, it's us. It's not a natural cycle. It's caused by us and our love of burning fossil fuels and forests. Alors, ce n'est pas un cycle naturel. C'est l'homme qui provoque cela. L'homme et son désir irrépressible de brûler des choses, notamment les forêts primaires, les autres forêts, et notamment les énergies fossiles. Number three, we're sure there's no debate anymore that that's what's happening. Troisièmement, c'est une certitude. Il n'y a pas de débat là-dessus. Number four, it's bad. C'est délétère. Numéro 4, c'est mauvais. And it will get a lot worse. Et ça va empirer. But number five, we can still do something about it. Mais 5, il y a de la lumière au bout du tunnel, on peut agir. We've left it very, very late, and we can't completely stop, but we can very much slow this down. On s'y prend très tard, on ne pourra pas arrêter ce processus, mais on peut le ralentir considérablement. But it's a big job. Mais c'est une tâche immense. And we have to start by recognizing that the responsibility for this is not spread equally around the world. Commençons par reconnaître que la responsabilité de la situation dans laquelle nous sommes ne fait pas l'objet d'une répartition égale partout dans le monde. These are the places in the world that are most responsible for causing this crisis. En rouge, les pays les plus responsables de la situation actuelle. In short, it's us. Autrement dit, nous. But then if you look at this, which is the places that will be most impacted? Et ici vous avez les endroits de la Terre qui seront le plus touchés par la situation. There's a very different picture. Donc c'est une carte différente, vous en conviendrez. This is the picture that keeps me awake at night. Moi ça me fait faire des cauchemars cette image. If we continue on a business as usual trajectory, they people now say we could reach 3 degrees of warming in about 25-30 years. Si on continue comme ça sans rien faire, on pourrait atteindre une augmentation de plus 3 degrés depuis l'ère pré-industrielle en l'espace de 25 ans à partir de maintenant. And if that happens, these are the cities where it will be above 30 degrees for more than 150 days a year. Et vous avez les points blancs qui indiquent les villes dans lesquelles il fera plus de 30 degrés pendant environ ou plus de 150 jours par an. I always say to people, if you're not regularly terrified about climate change, you're not paying attention. Autre phrase célèbre de Rob Hopkins, si vous n'êtes pas terrifié de temps en temps par le changement climatique, c'est que vous ne vous tenez pas au courant. And we really need you to pay attention. Et il faut se tenir au courant. Voilà. Il faut se tenir au courant. C'est ce que l'on vient d'entendre avec Rob Hopkins qui intervenait donc ce jeudi soir. C'était au Méliès Saint-François à Saint-Étienne, bien sûr, à l'occasion de cet avant-anniversaire, puisque Tatoujus se déroule ce week-end. C'est ce samedi 22 et dimanche 23 novembre. L'ouverture des portes vient d'avoir lieu il y a quelques minutes de cela. C'était il y a une vingtaine de minutes. Ça se passe Parc Expo Hall B. On vous l'a dit et annoncé. Rob Hopkins, donc, je le reprécise, qui intervenait. Alors c'est finalement un événement qui a pu se caler en dernière minute. Avec sa venue à Saint-Étienne pour un temps de formation auprès de professionnels et puis un temps en conférence publique, temps de conférence que nous proposerons aussi, en tout cas sur les ondes du 89.5 de Dio, d'ici quelques temps dans nos programmes habituels et dédiés. Et Rob Hopkins qui a également donc plusieurs ouvrages à son actif, comme je le disais, qui est apparu dans plusieurs films documentaires. On se souvient du film Culture en transition de Nils Aguilar, le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui était sorti aussi il y a 10 ans, en 2015. Il était même apparu dans le documentaire Qu'est-ce qu'on attend de Marie-Monique Robin, qui était consacré à un village en transition dans le Haut-Rhin, c'était en 2016. Et puis donc, cet ouvrage, Manuel de transition de la dépendance au pétrole à la résilience locale, sorti via les éditions Silence et Éco-Société, c'était en 2008-2010 pour la réédition, et qui est un manuel, vraiment une sorte d'outil très inspirant pour et consacré déjà à l'époque aux solutions pour construire des sociétés écologiques résilientes et capables surtout de s'adapter aux catastrophes, alors tel le pic pétrolier dont on parlait beaucoup alors, mais aussi au changement climatique de manière générale. Un outil et un guide même, je dirais, très accessible, et dont il s'agit aussi de se nourrir pour trouver les solutions possibles. En tout cas, c'est aussi toute l'intention de ce rendez-vous de la transition écologique Tatou Juste, qui fête donc ses 20 ans, qui a lieu tout ce week-end. Il le disait, Rob Hopkins, au travers de sa conférence-là, il s'agit de se tenir informé aussi, d'être au courant. C'est aussi l'objectif de Tatou Juste que d'informer. C'est aussi l'objectif et l'intention de cet espace radio qui va proposer des rencontres, interviews et tables rondes. Et ça tombe aussi plutôt bien. Ce 22 s'ouvre Tatou Juste. Hier, 21 novembre, se bouclait aussi cette fameuse COP30. Voilà, la fin de la COP30 dont on parle beaucoup, qui a eu lieu à Belém, avec l'objectif de limiter la hausse et l'augmentation de la température à 1,5 degré notamment. Il va falloir avoir aussi là quelques temps pour apprécier, je dirais, les décisions qui ont pu être envisagées ou enclenchées. Bref, Tatou Juste, c'est tout ce week-end. Ça va se poursuivre sur les ondes de Dio et d'Onden, avec une première table ronde qui aura lieu à 11h tout à l'heure. Nous allons parler justement de résilience, mais pas que, également de justice sociale, d'environnement, autour des nouveaux modèles agricoles possibles. Nous aurons trois expériences témoins finalement. Ce sera tout à l'heure à partir de 11h. Et puis pour vous donner la suite des programmes sur nos antennes, il y aura la première conférence en interview ici. Il s'agira de Terre et Liberté, manifeste antiraciste pour une écologie de la libération. Ce sera à 13h15, une autre table ronde avec la compagnie La Tranchante dont nous parlions tout à l'heure, qui a donné ce spectacle à la Comète il y a quelques jours de cela, fin octobre. Témoignage d'une jeunesse face à l'éco-anxiété et l'état sociopolitique du monde. Et puis Tristan Rachid, pour une conférence qu'il donnera sur la démocratie, viendra nous parler à 16h de son ouvrage, de son expérience tout à fait d'actualité, puisqu'il s'agira d'expériences de démocratie participative et citoyenne, avec notamment l'expérience qu'il a lui connue au sein de la commune de Saillant dans la Drôme, alors que les élections municipales se profilent très prochainement, je dirais. Et puis enfin, nous parlerons là aussi d'une autre expérience, sorte d'enquête recherche autour des crassiers à Saint-Étienne. Et oui, une expérience dont viendront nous parler leurs co-auteurs. Ce sera à 17h30 pour la dernière table ronde de cette première journée. Voilà, ça se passe sur le 89.5 de Dio et ça se passe sur le 90.9 de Radio Onden. On va laisser vous accompagner en musique, avec un peu de programmation musicale, en attendant donc cette première table ronde. Ce sera d'ici quelques minutes, à partir de 11h sur nos antennes. Tatou Juste, Parc Expo, Hall B, jusqu'à 19h ce soir, et sur les ondes de Dio et Onden. Dancing on the box, former MP, and no one's watching. My oldest friends are a serious habit. Flyboy blue, so bring your faces home to my sweet trampoline and acres of crash cycles. Dancing on the box, former MP, and no one's watching. My oldest friends are a serious habit. Flyboy blues, so bring your faces home Presidential delays. Suppose I'm just lucky. I'm having a shindig. Me, Red Bob, and the Ivory Host, and someone shouting on the box. A chinless prefect gone Godzilla. My newest friends have forgotten my name, but so have I. So far, so good. I to crash side. Scuppered with truth.